indescriptible peur. Mixtapant d'un sommet mortuaire en profanant ma tempère. Ressuscité quand on a veillé l'horreur. Sur le tabouret de ma notoriété s'installe un mythe. Référence aux adversaires emballés sur stalagmites. Des parasites épouvantés par mon soupir hivernal. Retentissant tout comme mes vociférations infernales. Médiocre prodige, débuteur d'un vertige, originaire de l'au-delà. Médiocre prodige, débuteur d'un vertige, originaire de l'au-delà. Médiocre prodige, débuteur d'un vertige, originaire de l'au-delà. Médiocre prodige, débuteur d'un vertige, originaire de l'au-delà. Les prétendants ayant tenté de choisir au moins cire. Des bossus comme des gibiers débusqués par loisir. Légendaire paria extrait des vestiges de sa tolérance. Par la cruauté, l'ignominie et l'incohérence. La confusion de l'humanité, sa défense, sa vanité. M'arrache de mon abîme pour abolir vos absurdités. Ma sociabilité prête à l'emploi sans mal. Énigme dont je ne peux déchiffrer le corps. Médiocre prodige, débuteur d'un vertige, originaire de l'au-delà. Médiocre prodige, débuteur d'un vertige, originaire de l'au-delà. Médiocre prodige, débuteur d'un vertige, originaire de l'au-delà. Médiocre prodige, débuteur d'un vertige, originaire de l'au-delà. Charognes affublées d'un sentier de la seule lacérée. Par des homoplates hérissées d'excroissance osseuse acérée. Des membres synthétiques, assainis de l'appareillage cybernétique. Le revenant d'aspect psychique littéralement hermétique. Résurrection intempestive d'une âme vengeresse et perfide. Désactivez vos manettes lorsque la console décide. L'inconvénient du recyclage d'un renommé défunt. Cet excentrique putréfié dont on prolonge le chakra. Médiocre prodige, débuteur d'un vertige, originaire de l'au-delà. Médiocre prodige, débuteur d'un vertige, originaire de l'au-delà. Médiocre prodige, débuteur d'un vertige, originaire de l'au-delà. Médiocre prodige, débuteur d'un vertige, originaire de l'au-delà. Médiocre prodige, débuteur d'un vertige, originaire de l'au-delà.